La radiodiffusion française présente, par transmission différée partielle, d'importants extraits du spectacle actuel du Théâtre Montparnasse Gaston Bâty à Paris. Direction Marguerite Jamois. Vous allez entendre La puce à l'oreille, comédie de Georges Feydeau, mise en scène de Georges Vitali, décors et costumes de Roger Chancel. Voici la présentation. Un matin, Raymond de Chantebise, en inspectant par mégarde, du moins c'est elle qu'il dit, le courrier de son mari Victor-Emmanuel Chantebise, directeur d'une compagnie d'assurance, tombe sur un colis postal expédié par l'hôtel du Minet Galant, à Montretout. Colis qu'elle ouvre sans hésiter et dont elle retire à sa grande surprise une paire de bretelles qu'elle avait donnée quelque temps auparavant à son époux. Cela lui met la puce à l'oreille. La vérité est tout autre. Car, exténué par trop de travail et ayant une tendance à se voûter, Chantebise, sur les conseils pressants de son médecin, le docteur Finache, a décidé de porter des bretelles américaines qui l'obligeront à se tenir droit. Aussi, pour être contraint à les mettre, il a donné toutes ses bretelles ordinaires à son neveu Camille Chantebise, jeune noceur, amant de la cuisinière de la maison et client assidu de l'hôtel précité. Raymonde est maintenant persuadée que son mari la trompe, d'autant plus que depuis quelque temps, elle le trouve moins empressé, moins amoureux que par le passé, et la néglige quelque peu. Elle confie son tourment à sa meilleure amie, Lucienne Homenides de Istangua, qui lui conseille tout bêtement d'écrire à son mari une lettre brûlante d'amour en lui donnant un rendez-vous. Rendez-vous où elle aura soin de se rendre elle-même. Si Chantebise vient, elle sera fixée. Le lieu de la rencontre, c'est justement cet hôtel du Minet Galant, qui, comme son nom l'indique, n'est pas précisément une pension de famille. Mais Victor Emmanuel connaît son écriture, c'est donc Lucienne qui prendra la plume. Au reçu du message, Chantebise reste stupéfait. Mais dans cette lettre, il est dit « Je suis celle qui ne vous a pas quitté des yeux l'autre soir au Palais Royal. Vous étiez dans une loge avec votre femme et un monsieur. Ce monsieur, c'était Romain Tournelle, un intime ami plein de fatuité et coureur comme une fille et qui courtise en cachette la femme de Chantebise. Ce dernier n'est pas beau, il n'ignore pas, il sait qu'il ne peut inspirer des béguins. Tandis que Tournelle, c'est autre chose. Il a l'habitude de tourner la tête aux femmes. C'est donc Tournelle qui ira au rendez-vous. » Il accepte non sans façon, mais Chantebise, en revanche, conservera la lettre. Il y tient car c'est bien la première de ce genre qu'il aura reçue de sa vie. Tout irait bien si Chantebise n'avait pas l'idée saugrenue de faire lire cette lettre à Istangua, avec lequel il est en affaire. Cet hidalgo jaloux, coléreux, reconnaît aussitôt l'écriture de sa femme. Il saute à la gorge de Chantebise en le menaçant de son revolver. Chantebise, ahuri, tente de le calmer, de le raisonner, de lui faire comprendre que les femmes aujourd'hui ont toutes la même écriture et que d'ailleurs ce n'est pas lui qui va à ce rendez-vous, mais Tournelle. Istangua, foudrage, ne veut rien entendre. Il veut laisser consommer l'adultère et alors il tue. Que faire? Prévenir Tournelle? Mais comment? Tournelle est déjà partie. Chantebise, affolé, se précipite dans la chambre de son neveu Camille et lui crie « Si pendant mon absence, Tournelle revenait, empêche-le à tout prix d'aller au rendez-vous fixé. Nous sommes sur un volcan, un drame épouvantable, un double assassinat peut-être. » Tournelle revient pour reprendre des papiers oubliés. Camille saute sur lui pour le prévenir, mais malheureusement, le pauvre Camille est atteint d'un vice congénital. Son palais perforé ne lui permet d'articuler que les voyelles, ce qui, sauf pour les personnes de son entourage qu'il comprenne, rend son élocution absolument inintelligible. Tournelle, excédé, ne pouvant saisir le sens de ses paroles, le rejette brutalement et gagne aussitôt la porte. Hélas, Camille n'avait pas eu le temps de mettre en place le palais d'argent qui lui aurait permis de parler comme tout le monde et que le docteur Finache lui avait apporté quelques minutes auparavant. Nous voici donc à l'hôtel du Minet Galant. Une chambre faite. Mais monsieur, c'est... Alors vous appelez ça une chambre faite, hein? Leslie, c'est un lit fait. De ma parole, on dirait qu'il y a déjà des gens qui ont couché là-dedans. Madame, plutôt. Quoi, hein? Quoi de l'esprit maintenant? Pas de salisette, hein? Non mais dites tout de suite que vous prenez ma maison pour un hôtel borgne. Non, mademoiselle, vous saurez que c'est une maison de luxe. Un hôtel comme il faut, où il ne vient que des gens mariés. Oui, mais pas ensemble. Est-ce que ça vous regarde? Ils ne le sont que davantage puisqu'ils le sont chacun de leur côté. Mademoiselle, se permet que je me plante. Oui, mais monsieur. Allez hop. Refaites-moi ce lit, et vite. Oh non, hein, ce qui me court, alors. Mais on a du dos, ferraillou. Et cette fille qui n'affiche pas une secousse? Ah ah, je regrette de ne pas l'avoir eu un peu souvent au régiment. Il aurait fallu qu'elle marche. Ferraillou. Qu'elle marche, qu'elle marche droit, si tu crois que je pense à la gaudriole. Merci, j'en vois trop, ça me dégoûte. Mais j'espère. Ah, te voilà, toi. Et d'où arrives-tu encore de chez le mastroquet, bien sûr? Et moi? Il est 5 heures, pourquoi n'es-tu pas dans ton lit comme tu le devrais? Enfin, veux-tu travailler, oui ou non? Oui. Bon, bah alors, va te coucher. C'est vrai ça, voilà un maître qui n'est bon à rien, qui a la chance d'avoir des rhumatismes indiscutables pour lesquels je lui fais des rentes. Et pourquoi, je me le demande? Parce que j'ai trop de cœur et je ne peux pas laisser un oncle avoir la mistoufle. Et monsieur n'a qu'une idée, se soustraire à ses devoirs pour aller courir chez les bistrots. Et cours, rien du tout. Allez, bistrots, voilà des boîtes qu'on devrait fermer au nom de la moralité publique. Et si on avait eu besoin du vieux monsieur malade en ton absence, hein? Qui l'aurait fait à ta place, le vieux monsieur malade? Pas moi, bien sûr. Ça aurait été du propre qu'à te faire un grand délit. Mais je savais. C'est bon, la ferme, dans ta chambre au pieu. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça voilà bien la famille. Tous les lieux, ça ne doit rien à personne. Nobody called. Hein? Nobody called for me, I say. If you please, anybody called for me. Oh, no, nobody, nobody, monsieur. Ah! Thanks. Qu'est-ce qu'il a dit? Oh, je crois qu'il a demandé si personne n'était venu. C'est extraordinaire, cette manie qu'il a de vous parler en anglais, que je ne parle pas en français, moi. Il ne sait pas notre langue. C'est pas une raison pour que je comprenne la sienne. Nobody call, il peut se vanter d'avoir le sourire. Oh, le pauvre garçon, c'est la troisième fois qu'il vient. Et chaque fois, la dame qui l'attendait lui a posé un lapin. On lui en posera à moins. S'il est ainsi avec les femmes, nobody call, je comprends que ça les fasse filer. Allons, je vais monter m'aider à la logerie. Mais ne te donne donc pas la peine. Julie! Monsieur! Vous avez fini la chambre? Oh, bah tout de même, monsieur! Oui, je sais, la chambre, c'est toujours fini quand on veut. Et comme c'est toujours pour la redéfaire, une fois bon, qu'elle est faite, c'est bon. Je vous dispense de vos réflexions profondes et surgrenues. Voilà une pile de draps, vous la montrez à la lingerie. Moi? Naturellement, pas moi. Bon, quel métier de bourrique alors! Ah, pendant que j'y pense, vous ne disposerez pas de cette chambre, elle est retenue. Par qui? Par monsieur Chandbise. Vous vous rappellerez? Oh oui, madame, le monsieur qui parle comme ça! Oh, précisément. Il vient aujourd'hui? Et tiens, voici la dépêche qu'il envoie. Ça va bien, Eugénie? Moi, madame, ça va très bien, je vous remercie. Mais non, je vous dis, ça va bien, je n'ai plus besoin de vous. Ah oui, madame, ça m'étonnait aussi. Ah, et puis passer par l'escalier du couloir. Enfin, ça revient au même. Et vous ne risquez pas de croiser les clients avec votre pile de draps. Oui, madame. Tiens, voilà ce qu'elle dit, cette dépêche. Réservée pour tantôt 5 heures, même chambre que dernière fois, chambre bise. Or, celle qu'il avait la dernière fois, c'est celle-ci. Parfait, nous allons y jeter le coup d'œil du maître. C'est mieux. Et le cabinet de toilette? Y a-t-il tout ce qu'il faut? Très important, le cabinet de toilette. Bon, maintenant, pressons un peu sur ce bouton pour voir si mon imbécile d'oncle est toujours à son poste. Oh, mes rhumatismes, mes pauvres rhumatismes. Eh ben, ne te fatigue pas, c'est moi. Ah, c'est toi. Eh bien, tu vois, toi qui m'attrapes toujours. J'y suis à mon bureau. Oui, mais mon vieux, je te paye pour ça, hein. Allez, hop, au tiroir. Tout va très bien. Où est Poche? Poche? À la cave qui range le bois. À la cave? Tu es folle, enfin voyons, je t'ai dit qu'il n'avait qu'un défaut. Celui de se saouler, tu l'envoies à la cave. Elle va cadenasser dans les casiers, il n'y a pas de danger. Mais c'est que je le connais, le bougre. Il a beau m'avoir juré qu'il était corrigé de son vice. Je sais ce qu'en Bologne, je l'ai connu, moi, régiment. Il a été 3 ans, mon brosseur. Je les ai connus, Serpentille. Ils allaient du lundi au samedi et le dimanche, pan, la cuite hebdomadaire. Eh ben, il était dans le mouvement. Oui, c'était un précurseur. En attendant, moi, je ne le collais pas au bloc. Je lui flanquais une de ces tripotées qui n'en était corrigée jusqu'au samedi. Le dimanche, que c'était à recommencer. N'empêche que c'était une perte de service. Honnête, travailleur, dévoué. Je pouvais le bousculer, celui-là, le malmener. C'était plus le choix. C'est-à-dire que quand je me flanquais à mon pied quelque part, le roi n'était pas son cousin. Oh, tu bats si bien. Je battais, maintenant on se fatigue. C'est égal, voilà un serviteur comme je les aime. C'est pas comme les domestiques d'aujourd'hui, à qui on ne peut parler qu'avec la bouche en cul de poule. Aussi, quand il y a 15 jours, je vais trouver ça en place, j'ai présidé à le prendre à notre service. Bah, toi, je lui m'en viens, fait. Ah, bah, quand on parle du loup, qu'est-ce qu'il y a, Poche? C'est une dépêche, chef. Une dépêche, gueuf. Allez, donne. Mon Dieu, qu'il est laid, cet animal-là. Oh. T'as fini de me regarder comme ça, imbécile? Ah, encore de champ de bise. Mais. Retenir bonne chambre pour moi. Oh, ben, il dit, hein. Et introduire qui la demandera à mon nom. Vous avez entendu, vous autres? Si on demande la chambre réservée à monsieur champ de bise, s'introduirait dans celle-ci. Oui, monsieur. Oui, chef. Et maintenant, vous pouvez disposer. T'as pas entendu, espèce de cosaque, hein? Oh, les ouf, attends, regarde, il a pas l'air content, je te dis qu'il m'adore. Moi, c'est un animal, là. Faut qu'il qu'est-ce que c'est ça? Ah, oh, ben, c'est tout de même une bonne pente. Nobody call. Hein? Listen, it's the second time that I ask if anybody called for me. Nobody suit. Ah, thanks. Au service. Oh, quel amour. Il a une façon de sortir comme un diable d'une boîte. Ça, c'est vrai, il vous donne des couleurs. Bonjour, colonel. Oh, monsieur le docteur. Bonjour, madame Parion. Vous avez une chambre? Oh, toujours pour vous, monsieur le docteur. On n'est pas venu me demander? Pas encore, monsieur le docteur. Tant mieux. Monsieur le docteur est en bonne fortune. Non, bonne fortune. Je suis en décollage. Ah, oh, bah c'est pas pour dire, mais voilà plus d'un mois. J'ai un peu papillonné à droite et à gauche. Ah, c'est mal, ça de ne pas être fidèle. Ah, mais avec la même, avec la même. Ah non, mais je ne parle pas de la dame, je parle pour nous. Ah, non, non, si on devait être fidèle en amour, nous n'aurions plus qu'à fermer la maison. Judicieux. Mais dites-moi donc, on entre comme dans un bois dans votre hôtel. Je n'ai pas vu votre garçon au bureau. Poche? Quoi, poche? Gabriel? Le beau Gabriel? Ah, mais c'est vrai, vous ne savez pas, évidemment, depuis le temps. Non, nous l'avons congédié, Gabriel. Mais pourquoi donc? Il était si décoratif. Justement, trop. Il était trop joli garçon. Il faisait des béguins dans la cliente. Prenez-vous ça. Non, vous comprenez, c'était inacceptable. Si un client ne peut plus amener sa maîtresse sans risquer de se l'avoir soulevé par le personnel. Nous sommes une maison tranquille. Comment ça? Non, êtes... si, il faut de la discipline. Moi, je ne connais que ça. C'est que j'ai été militaire, moi, tel que vous me voyez. Oui, là. Alors, c'est vrai, votre grade, colonel? Comment ça? C'est vrai. Bah tiens, je suis ancien sergent-major au 29e de ligne, et c'est pour ça qu'on m'appelle colonel. Vous êtes colonel au civil? Oui, bah vous savez, dans la vie privée, un grade de plus ou de moins. Veux-tu voir mon chou, le numéro 10 pour monsieur le docteur? Et quoi, le 5, l'année pas libre? Hélas, non. Ah. Mais le 10, c'est la même disposition, juste au-dessus. Ah, enfin, pour le 10. Je vais le faire préparer. Si ça va, ma chérie. Une femme précieuse, hein, madame Ferraillon? Ah, et si sérieuse. C'est drôle, souvent, je me suis demandé où je l'ai vue. Ah, ça... Vous n'avez pas connu autrefois une demi-mondaine, la belle Castagna, qu'on avait surnommée culotte de peau? Castagna, attendez donc. Si, qui a été si longtemps la maîtresse du duc de Gennevilliers. Ah oui, celle qui s'est fait servir un jour au Grand 16, toute nue sur un plat d'argent. Vous y êtes? Eh bien c'est elle, c'est ma femme, je l'ai épousée. Si je veux venir voir la chambre, mais comment donc que je veux venir voir la chambre? Et si on me demande, venez-moi tout de suite. Ah, c'est beau l'amour. Nobody called. Ah, pas comme ça, par exemple. Nobody called for me, I said. La barbe. What? La barbe. Père. Oui, l'anglais, tu me regardes avec des yeux, mais je ne suis pas fâché de profiter de ton ignorance, de notre langue, pour te dire ce que je pense. La barbe. Babe! Oh, sexe. Ah! Vous désirez, madame? La chambre retenue par monsieur Chandby. C'est ici, madame. Ah! Ah! Non! Ito Datoine! Mais qu'est-ce qu'il a, celui-là? Ne faites pas attention, madame, c'est un original d'outre-mer. Il ne manque pas de tout vert. Il n'est encore venu personne demander la chambre. Personne, non. Mais je ne me trompe pas, c'est bien madame qui est déjà venue ce matin. Hein? Ah, parfaitement. Oh, attends, je suis flatté. Je comptais bien que ma discrétion m'assurerait le cas échéant la clientèle de madame. Mais vrai, je n'attendais pas si tôt. Mais monsieur, on va là, des façons. Je ne vous permets pas de supposer. Excusez-moi, que... madame, si madame veut prendre la paix. Voici la chambre, madame. Voilà, elle est très confortable. Le lit. C'est bien, monsieur, je n'en ai que faire. C'est une vicieuse. Le cabinet de toilette, chaud, froid, bas, doux. Non, non, je n'ai pas l'intention d'habiter. Là, très important à signaler en cas de flagrant délit, j'appelle l'attention de madame. De chaque côté du lit, un bouton. Mais enfin, c'est bien, je m'assurerai moi-même. Veuillez me laisser, monsieur. Je n'ai plus besoin de vous. Bien, madame. Madame, votre serviteur. Au revoir, monsieur, au revoir. C'est une maîtresse à la grâce. Oh, oh, c'est pas, mesdames, on ne te... Eh ben, oui, chef, c'est bientôt fini, ton travail, est-ce que moi? Par un chargement, bon, je... alors tu me feras le plaisir de passer ta livrée, de la laisser traîner ici, c'est pas sa place. C'est le roulis qui arrive et tout doit être en tenue. Oui, chef. Tiens, c'est l'anglais, remercie le. Oui, chef. Oh, c'est vrai, bon, c'est bon. Oh, mais... Pardon. La chambre de monsieur Chandebise. C'est ici, monsieur, mais si je ne me trompe, vous n'êtes pas monsieur Chandebise. Non, non, mais ça ne fait rien, je le représente. Et d'ailleurs, la dépêche vient d'introduire dans la chambre qui la demandera. La dame est là, monsieur. Ah, et elle est bien? Monsieur désire avoir mon avis, mais il me semble que du moment qu'elle plaît à monsieur... Ah, c'est que je ne la connais pas. Ah. Alors avant de m'engager, si ça devait être une vieille toupie... Oh non, rassurez-vous, non. Elle ne doit pas avoir le caractère en sucre, mais elle est jolie. Oui, oh ben comme c'est pas pour le caractère qu'on y va... Non. Ben c'est pas... Il me demande un emploi d'école. Je sais pas ce que c'est, moi. Je vais y servir un vermouth. Allez, le monsieur de madame est là. La dame est là, monsieur. Oh, très bien, très bien. Grand bien vous fasse, monsieur. Merci. Là, c'est... T'es gentil ici, c'est... C'est coquette, c'est... C'est bien meublé, d'ailleurs. Ah. C'est les sonnettes, ça. Ah ben, quand on s'ennuie, au moins ici, on peut faire un carton. Hein. Bon, c'est pas tout ça. Voyons comment se présenter d'une façon originale. Bien comme ça. Ce sera drôle. Ah, te voilà, toi. Tiens, ma boutique. Coucou. Coucou. Attends un peu. Coucou. C'est Raymond. Oh. Oh. Oh. Oh. Vous ? Mais c'est vous ! Monsieur Tournelle ! Oh ! Oh ! Oh ! Si je m'attends, oh l'agréable surprise ! Ah ça, qu'est-ce que vous faites ici ? Mais qu'importe ! Qu'importe ce que j'ai fait, n'est-ce pas une intrigue d'amour, là, c'était une femme qui m'aimait. Elle m'avait vu au théâtre, alors évidemment, le coup de foudre, elle m'a écrit par bonté d'âme. Mais pas du tout, mais pas du tout. Mais cette femme, je ne la connais pas. Je ne l'aime pas, tandis que vous, mon rêve se réalise. Vous êtes là devant moi, tout à moi. Vous voyez bien que le ciel se met à partir. Mais laissez-moi. Mais c'était pas à vous qu'on l'a écrit, c'est à mon mari. Non, c'est invraisemblable, il est laid. Oh. Seulement nous étions ensemble, n'est-ce pas, là, la personne à qui vous. Mais pas du tout, la lettre à mon mari, c'est de moi. De vous? Absolument. Comment vous écrivez des lettres d'amour à votre mari maintenant? Je voulais savoir. S'il me trompait, s'il viendrait au rendez-vous. Ah, eh bien, vous voyez, vous qui ne vouliez plus être moi parce que vous pensiez que votre mari vous était infidèle, vous voyez bien qu'il n'est pas venu. Et c'est moi qui l'a délégué à sa place comme plus conforme à la vraisemblance. Mais c'est vrai? Savez-vous ce qu'il a dit en recevant cette lettre? Non. Votre lettre? Non. Il a dit, mais qu'est-ce qu'elle me veut, cette dame? Elle ne sait donc pas que je ne trompe pas ma femme. Il a dit ça? Oui. Oh, je suis heureuse. Oh, ma Raymond. Eh bien. Hein? Vous vous repentez maintenant d'avoir dû être lui. Vous reconnaissez à présent que vous n'avez plus le droit de l'incriminer. Que vous n'avez plus le droit de ne pas le tromper. Moi, oh, le pauvre cher homme. Ah oui, vous avez raison, j'ai eu tort. Oh, c'est mal à moi de l'avoir soupçonné. Mon brave Chambise, j'ai eu tort, je vous en demande pardon. Non, pas de pardon, soyez à moi, ça suffit. Oh oui, c'est le châtiment. Oh, Raymond, je vous aime, je t'aime. Je vous aime. Raymond, ma Raymond. Je croyais que c'était mon mari qui faisait coucou. Oui, mais ça fait rien, nous le ferons pour lui. Au revoir. Coucou. Oui. Raymond. Raymond, ma Raymond. Tournelle, qu'est-ce qui vous prend? Vous pouvez laisser-moi remettre de mon émotion. Non, profitons-en, au contraire. Tournelle, voyons. Profitez de votre trouble quand il est chaud dans ces moments-là, les sensations sont bien. Oh, Dieu. Non, venez. Mais que faites-vous? Mais pour qui me prenez-vous? Non, mais ne m'avez-vous pas laissé entendre tout à l'heure que vous consentiez? À être votre amante, oui! Mais coucher avec vous? Me prenez-vous pour une prostituée? Non, mais alors, quoi? Mais le flirt, les émotions qu'il comporte, se parler, les yeux dans les yeux, la main dans la main, je vous donne la meilleure partie de moi-même. Quelle? Ma tête, mon cœur. Oh! Quelle pensée, mais la pensée de tout galant homme qui croit au fait l'amour d'une femme. Comment quand on vous pousse l'un vers l'autre, que les événements se mettent de la partie. Quand votre mari lui-même me jette dans vos bras. Car c'est votre mari, madame, qui m'a envoyé. Mon mari? Oui, madame, votre mari. Mais c'est de vous seul maintenant que viendrait la résistance. Oh non, vous n'êtes pas en nom. Tournelle, calmez-vous. Vous croyez que je vous contenterai de ce que vous me proposez, là? Le flirt, les yeux dans les yeux, la main dans la main. Et la moitié de votre personne la moins en rapport avec les circonstances. Tournelle, voyons. Bon, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse de votre tête et de votre cœur? Non, sont jaloux les avantages que vous m'offrez. Une perspective d'énervement dans le vide, de désir jamais satisfait, et pour toute faveur, quoi encore? Faire les courses de madame, probablement, et promener son petit chien, mais non. Quand il en a envie, mais... de se promener. Non. Et puisque vous avez ainsi l'ignorance des règles fondamentales des choses de l'amour, moi je vous les enseignerai. Mais mon ami, vous ne pensez pas que j'accepterai de sombrer sous le ridicule, ne serait-ce que devant mes yeux, en sortant d'ici gros gens comme devant. Non, vous êtes à moi, vous m'appartenez, je vous veux. Mais voyons, non. Un pas de plus et je sors. Ce n'est tant que vous voudrez. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ma Raymond. qui est ici. Mon mari dans l'escalier. Quoi? Chambis. Victor Emmanuel, oui, déguisé en domestique. Comment, pourquoi, je ne sais pas. Pour nous pincer, c'est sûr. Ça n'est pas possible, ça, voyons. Oh, mes rhumatismes. C'est ça. Celui-là, là. Où ça, là? Je sais pas, c'est pas du tout. C'est un malade, il a surgi comme ça, très cool. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Mais c'est vous qui m'avez fait venir. Moi? Mais si je vous dérange, vous n'avez qu'à presser sur ce bouton, je retournerai là d'où je suis venu. Oh, bah bien sûr, alors tu vas m'entraîner. Allez, oh, non. Alors non. Ça fait con, vous l'introduire les spectateurs, maintenant. Champi! Mon mari, je suis perdu. Mon ami, ne crois pas ce que tu vois. Grâce, ne condamne pas à les apparences nous accablent, mais je te jure que nous ne sommes pas coupables. Il dit la vérité, nous ne pensions ni l'un ni l'autre à nous rencontrer. Tout ça, c'est la faute de la lettre. Oh, la lettre, oui, c'est moi qui suis cause de tout. Je l'avais fait écrire parce que Voilà, c'est l'exacte vérité. Justement, pardon, je croyais que tu me trompais. Hé, hey, qui c'est, moi? Oh, dis-moi que tu me crois, que tu ne doutes pas de ma parole. Mais oui. Oh, mais disons. Alors, je t'en prie, Victor Emmanuel, ne ris pas comme ça, ton rire me fait mal. Mon rire. Je vois, tu ne me crois pas. C'est pourtant l'évidence même. Mais comment te convaincre? Bah écoutez, je vous demande pardon, mais faut que j'aille porter le vermouth au quai. Oh. Victor Emmanuel, hein? Qu'est-ce que tu as? Moi? Je t'en prie, mon ami, dans un instant, c'est grave. Tu veux parler de vermouth? Bah il faut bien. Attends, et puis te lève la bouteille. Oh non, c'est assez de cette comédie. Tiens, insulte-moi, bouscule-moi, bats-moi. J'aime mieux tout que ce calme effrayant. Oh, tiens, bats-moi aussi. Allez. Oh, celle-là, par exemple. Mais je vous assure, madame. Oh, tu vois, tu ne me tutoies plus. Qui c'est, moi? Oh, dis-moi tu. Oh, dis-lui tu. Moi, je veux bien, mais je t'assure, madame. Mais pas madame, tu as l'air de parler belge. Ah, appelle-la Raymond, voyons. Ah bon, mais je t'assure, Raymond. Oh, Didi, tu me crois? Ben oui, je te crois. Et à la bonne heure. Alors embrasse-moi, voyons, embrasse-moi. Hein, moi? Embrasse-moi ou je croirais que tu m'en veux toujours. Non, mais moi, je veux bien. C'est ça. Merci. Elle a la peau douce, hein. Allez, moi aussi, embrasse-moi. Ah, aussi? Oui. Mais promets, tu ne doutes pas de moi non plus. Ah bon? On a un chien qui est grand, Léon. Ça fait du bien. Oui, la dame surtout, hein. La dame. Bon, mais maintenant, faut que j'aille porter le vermouth au quai. Encore? Ça, voyons, mais qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? C'est-tu mon mari, oui ou non? Moi? Oh non, moi, c'est le garçon de l'hôtel. Quoi? Ah, mon Dieu! Victor Emmanuel a un transport au cerveau. Oh mon Dieu! Mais non, hey, tout ça, c'est des acquis procos. Hein? D'abord, moi, je m'appelle Poche. Tiens, demandez plutôt à Baptiste. Baptiste. Quel Baptiste? Le vieux monsieur malade. Ah, Baptiste, mais pour vous, il s'agit pas de ça, d'y voir un peu qui que je suis. Comment qui t'es? Tu es le sien d'empereur? Ah, moi, si, mais c'est pour madame. Mais qui est monsieur? Ben, c'est Poche. Poche! Le garçon de l'hôtel. Là, qu'est-ce que j'ai dit? Ça, voyons, comment il serait vrai? Non, c'est une plaisanterie, c'est un coup monté, ça! Paul! Oui, chef! Si je vous demande pardon, n'est-ce pas qu'on m'appelle? Le patron, eh bien, nous allons savoir! Allez, mais retirez-vous! Monsieur, veuillez, je vais vous dire qui est monsieur! Oui! Poche ici, une bouteille à la main! Patron! Voilà, tout comme! C'est pour Alger! Tiens! Oui, chef! Vous voyez ce que je vous disais? Vous m'importez, madame, monsieur, c'est notre garçon, une espèce d'alcoolique. Le garçon? C'était le garçon d'hôtel. Oh, Raymond. Quoi? Nous avons embrassé le garçon d'hôtel. Bah, c'est bien, je viens de le dire. Ah, j'avais pas entendu. Tu es abasourdi, n'est-ce pas? Une ressemblance pareille, ça n'est pas possible. Et pourtant, il faut bien se rendre à l'évidence. Ah, si je n'avais pas vu le patron le traiter comme il l'a traité, je douterais encore. Mais des coups de pied quelque part, oh non. Même pour me donner le change, Victor Emmanuel n'irait pas jusqu'à accepter des coups de pied dans le... Tôt. Oui. C'est évident. Oh, mon ami, quelle émotion. J'ai la gorge sèche. De l'eau. Hein? Donnez-moi un peu d'eau. Ah oui, de l'eau. Pas dans vos poches. Poche? Ah oui, bon. Où y a-t-il de l'eau? Mais dans la chambre. Dans la chambre. Où y a-t-il de l'eau? Mais dans le cabinet de toilette. Bon, merci. De l'eau. Le garçon. C'était le garçon d'hôtel. Il y a de ces choses dans la vie. Eugénie, oui. Remettez-moi dans la bûche, il vient de tomber, ma Eugénie. Mais qu'est-ce qu'il fait, Tournel? Mais qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, c'est donc. Allez, viens, bébé, viens, mon poulet. C'est l'heure du crime. Et qu'on va donc bien aimer son gros Camille. On a dû nous retenir une chance. Qu'est-ce que vous demandez, monsieur? C'est que je... Victor Emmanuel! Ah! Monsieur! Ouh! Mais qu'est-ce qu'ils sont donc tous aujourd'hui à m'appeler Victor Emmanuel? Mieux. Oui, non, je ne sais pas. comme si j'allais me trouver mal. Ah non, non, faites pas ça. Mais non, qu'est-ce que vous voulez, mon ami? C'est pas pour mon plaisir. Oh non, non, bien sûr. Tenez, vous devriez vous reposer, vous étendre un instant. On s'est pas le refus. Venez, venez, allongez-vous là sur le lit. Mais ça, Christine, alors vous serez toujours là, vous? Mais c'est vous qui m'avez fait venir. Vous devez partir, mon ami, vous devez partir, vous n'allez pas discuter. Mais non, allez, retournez chez vous. C'est insensé, je veux défendre ça dans la chambre des gens. C'est le lit qui a tourné. C'est pas lui, il part. Il part, c'est pas lui. C'est le lit qui a tourné. C'est assez de cet hôtel, partons, partons. Raymond, ici, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, s'ils m'ont reconnu, je suis joli. Et Antoinette, qu'est-ce qu'elle fait par là? Antoinette. Oh, Étienne. Oh, oh, oh, oh, votre belle chambre. Étienne, ici. Votre belle chambre dans cette maison, mais pourquoi? L'argenterie. Oh, c'est mouillé. Désiré, monsieur. Ah, madame, d'abord, voici un objet d'art dont je ne m'explique pas bien l'usage et que je viens de trouver à terre. Oh, oh, c'est drôle, mais on dirait un bijou ancien. On allait. Juridienne, où y est? C'est sans doute quelques clients qu'il aura laissé tomber, je le déposerai au bureau. Oui, c'est ça, et maintenant, dites-moi, madame, il n'est pas venu une dame demander la chambre de monsieur Chandbise? Ah, et où est-elle, cette dame? Oh non, monsieur, voyons, nous n'avons pas le temps. Et allons, allons, il faut que je la voie. Son mari peut surgir d'un moment à l'autre. C'est un bougre qui l'a tué. Oh, il faut absolument que je la prévienne. Viens dans ce cas, je crois que je l'ai vu entrer là. Là, c'est bien, madame, c'est bien. Oh oui! Je vous demande pardon, monsieur. Ah, mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Mon mari! Mon mari, mais arrêtez là! I'm going to kill you! Here you are! Here you are! Vous me lâchez! Here you are! Laissez ma femme! And now, get away! Moi, c'est trop fort! C'est moi qui fais cornard et c'est moi qui reçois les coups! Oui, oh, et bien, si vous m'aviez dit que vous étiez une dame... Non, mais est-ce que vous vous imaginez que je le savais? Non, moi, cornard, un valet de chambre! Mais attends un peu, coquille! Attends un peu que je... Ah! Monsieur! Ouais. Monsieur! Monsieur avec un crochet! Ah oui, quoi, ben j'ai un crochet, mais pourquoi pas? Monsieur, monsieur, je suis cocu, monsieur! Ah ah, allons bon. Oui, monsieur, là, par un anglais! Ah, c'est une voix d'école! Ah, je ne sais pas, monsieur, il ne m'a pas dit son nom! Mais puisque monsieur est là, plus besoin de moi, monsieur peut me permettre, n'est-ce pas? Je veux courir après la coquine, la rattraper, et alors, monsieur, monsieur permet, n'est-ce pas? Mais allez donc, mon vieux, mais allez donc! Merci, monsieur, on a gueule! Oh, oh, je sais pas s'il y a dans l'air aujourd'hui, mais alors, hé! Pour l'effet d'avoir un ton dans le coco, le problème. Oh, quand on a sonné, c'est pour vous aller voir. Oui, vais là. Je me trompe pas, c'est Étienne, le valet de chambre des Chandbise. Madame demande. Mademoiselle, madame. Cet homme-là qui vient presque de me renverser dans l'escalier quand il courait. Ce n'était pas le valet de chambre de monsieur Chandbise? Ben, c'est bien possible, madame, car il a demandé la chambre retenue à ce nom-là. Tout ce que je sais, c'est que c'est une histoire à ne rien comprendre. Il est venu pour prévenir une dame qu'elle est à déguerpir parce que son mari était au courant de tout. Et puis quand il s'est trouvé face à face avec la dame, Blanc, ça s'est trouvé que c'était sa femme à lui. C'est un vrai rébus. Oh, voyons, qu'est-ce que vous racontez? Vous m'avez l'air de faire une salade. Oh, madame, moi je vous dis ce que j'ai entendu. Oui, hein. Enfin, soit. Dites-moi, quelle est-elle la chambre au nom de monsieur Chandbise? La chambre, mais c'est celle-ci, madame. Ah bon, j'y vais. Mais à votre aise, madame, moi j'ai l'ordre de mettre la chambre à la disposition de qui la demandera. Bien, je vous remercie. Oui. On allait. Ah, ne répond pas. Ah, A-T-U-M-O-L. Personne! Comment se fait-il? Raymond m'a dit je pince mon mari entre 5h et 5h10. Et à 5h30, ce sera fini. Est-ce qu'elle n'aurait pas attendu? Une dame, mademoiselle! Oh, oh, une dame, mademoiselle! Enfin, je vous trouve. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez vu Étienne, mon valet de chambre? Hein? Pourquoi? Mais parce que je vous l'avais dépêché, ne pouvant venir moi-même. J'avais un banquet. Mais enfin, je me suis aperçu qu'il n'était que demain, mon banquet, dans l'espace. J'ai couru pour vous dire quoi? Pour, quoi? Me pour... dire quoi? Oh, malheureux enfant, quelle folie, mémé, moi. Quoi? Allons, je sais. Mais aussi, pourquoi ne pas avoir signé votre lettre? Ma lettre? Quelle lettre? Mais celle que vous m'avez écrite pour me donner rendez-vous ici. Oh! Mais que vous faites supposer que ce soit moi? Ah, parce que voilà, moi ne sachant pas, n'est-ce pas, je l'ai montré à votre mari. Pareil. Il a reconnu votre écriture. Qu'est-ce que vous dites? Il est capable de vous tuer. Où est-il? Oh, il doit être à l'entrousse. À l'entrousse. Mais vous restez là, mais filons, filons. Ah, fol amour, fol amour. Oh, that's a pretty girl! Voici dans le salon des Champs de Bise. Eh bien, vous pouvez pas venir ? Oui, madame, je peux aller. Monsieur, elle n'est pas entrée ? Mais non, madame. C'est bien, laissez-nous, Étienne. Oui, madame. Chameau va. Vous dites ? Oh, c'est pas, monsieur. Ah, j'espère, monsieur. J'espère. Cher ami, puisque maintenant vous êtes chez vous, n'est-ce pas ? Moi, je. Alors, vous n'allez pas me laisser, hein ? Ah ! Merci. Ah. Je ne sais pas dans quelle disposition rentrera mon mari. Vous avez vu tout à l'heure quand il nous a rencontré la seconde fois à l'hôtel du Minagelan. Il avait l'air de vouloir vous étrangler. Vous comprenez que si jamais la fantaisie vous prenait. Oui, mais vous pensez qu'il vaudrait mieux que je sois là. Ah oui, ça, je ne tiens pas à être seule pour recevoir le choc. Comment ? Hein ? T'as rien ? Ça n'a pas l'air de vous enthousiasmer. Eh ben, vous savez. C'est... Ah, c'est bien ça tous les mêmes. Audacieux dans l'entreprise et renacléant devant les responsabilités. Oh, oh, oh, d'abord quoi ? Quoi les responsabilités ? Après tout, il ne s'est rien passé, n'est-ce pas ? Oh, c'est pas votre faute s'il ne s'est rien passé. En tous les cas, mon mari n'en sait rien s'il ne s'est rien passé. Et nous trouvant là-bas, il a le droit de se figurer. Bon. Il se figure sans doute. Sa colère de tantôt en est la preuve. Bah, évidemment, évidemment, pas vous. Quoi, quoi ? Qu'est-ce que. Ce que je ne comprends pas, par exemple, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi cette colère s'est manifestée si tardive. Ah, ça. Car enfin, quand il a surgi la première fois devant nous, assis sur son lit, avec son litre à la main. Oui. Il n'a pas paru autrement estomaqué de nous voir. Non. Non, non, non. Il avait même l'air plutôt content, quasi, si on peut dire. Comment ? Il nous a même embrassés. Mais absolument, absolument. Et flanc. Nous le retrouvons plus tard, en livrée. Oh. Ça alors. Il bondit sur nous en paraissant indigné. Pourtant, dans ce genre d'aventure, on a généralement sa conviction faite tout de suite, immédiatement. N'est-ce pas ? Ça ne tombe pas des choses qui viennent à la réflexion. C'est ce que je me dis, cette année, rien comprend. Mon Dieu, on a sonné, c'est peut-être lui. Déjà. Ah non, c'est non. Vraiment, quel drame, quelle tragédie. Mais qu'est-ce que tu dis ? Oh, tiens, mes jambes, elles font comme ça. Oh, mais je veux plus rentrer chez moi. Ah non. Bonjour, monsieur Donald, je vous demande pardon. J'irai quand j'ai sous les ponts, n'importe où. Mais me retrouver de nouveau face à face avec mon fauve de mari, non. J'ai eu trop peur. Ah, parlons-en de ton mari. Oui. Quelle est une énergumène. Ah, quand il nous a aperçus au Minagalan, Tournelle et moi, je ne sais ce qu'il lui a pris, il s'est mis à nous poursuivre en brandissant un revolver, comme s'il voulait nous tuer. Oui, nous. Je vous demande un peu pourquoi. Quoi ? Vous aussi, vous avez subi sa chasse à cou ? Ah oui, madame, ah oui. Quel volcan, quel soupe au lait. Oh, moi j'en suis parmi. Heureusement que j'ai rencontré ton mari, qui m'a soutenue et entraînée. Sans ça, je défaillais. Et je ne sais pas ce qui serait arrivé. Ah, c'est mon mari qui t'a... Oui ? Oh ! Il m'a même bien effrayée, lui aussi. Ah. Je ne sais pas si c'est l'émotion qui brusquement lui a tapé sur le cerveau. Oh, toi aussi, tu as remarqué. Si j'ai remarqué ? Mais je l'avais vu 10 minutes auparavant. Il m'avait parlé très raisonnablement. M'avait averti des dispositions de mon mari, supplié de m'en aller. Crac ! Survient la scène. Poursuite en mairie, on dégringole l'escalier tous deux, on arrive en bas. Là, il me regarde drôlement. Et toi, le temps, il me dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce pot rouge ? Vous le connaissez ? Tu vois ma tête ? Comment si je le connais ? Mais évidemment, puisque c'est mon mari. Vous le connaissez aussi bien que moi ? Il me répond, mais je vous connais pas, qui êtes-vous ? Ah, mon Dieu, je me dis, ça y est, voilà Champ de Bise qui déménage. Je le fixe, Vous riez pas? Ah, oh, mon Dieu! Et donc là, tu peux me débiter un tas de choses incohérentes! Voilà, voilà, comme à nous! Comme à nous! Est-ce que je sais, moi, qu'il était le garçon de l'hôtel, qu'il montait du bois, qu'on lui avait pris sa livrée? Un tandis si c'est insensé! Insensé! Et brusquement, qu'est-ce qui lui passe pas par la tête? De vouloir m'entraîner chez le marchand de vin! Moi! Oh! Tu me vois? Alors je bondis! Voyons, voyons, chambise! Il me fait poche, poche! Oui, c'est ça, oui. Poche! Ah, oui. Poche! C'est le cliché, ça! Ah, alors là, le trac me prend. Je plante là ton ami et son marchand de vin et je me mets à filer! À filer! Oh Dieu, que je m'enfile encore! Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Ou mon mari a perdu la tête ou c'est un coup monté. Je ne comprends pas. Ah, c'est égal! Quoi? Quelle journée, hein? C'est tout? Mais je croyais que vous alliez! Ah non! Ah, nous sommes dans un joli bain! Ah oui! Entre un mari qui veut vous brûler la cervelle et un qui est en train de perdre la sienne! Oui! Que de cervelle, n'est-ce pas? Ah! Nous sommes bien! On a sonné! Oui! On a sonné, oui! C'est peut-être Chambis! Ça m'étonnerait, il a sa clé! Oh, bah, ça s'oublie quelquefois, hein! C'est vrai! Attendez, je me rappelle une fois, c'était l'hiver, il neige! Ah non, mon ami, non, pas d'historiette, c'est pas le moment, hein! Oh là là là là là là là là là là là là! Ça n'ouvre donc pas! C'est pas pourtant si on a sonné! Oui, c'est que c'est quelqu'un! Évidemment! Non, mais je comprends! Madame, madame! Bien, qui est-ce? Madame! C'est quoi? C'est monsieur! Ah, eh ben! Eh ben, je ne sais pas ce qu'a monsieur! Il est entré, comme ça, et il m'a dit, est-ce que c'est ici que demeure monsieur Chambise? Hein? Oui, madame! Ah, moi, j'ai cru tout d'abord qu'il voulait rire! Alors, pour être à la hauteur, j'ai fait... Pour sûr que c'est ici que demeure monsieur Chambise. Mais il rigolait pas, il n'a pas bronché. Et il m'a dit, voulez-vous le prévenir que je viens au sujet de la livrée? Non. Oui, mesdames, oui, monsieur. Non, non, non, ça va pas recommencer, cette comédie-là. Où est monsieur? Dans l'antichambre, il attend. Hein? Comment il attend? Dans l'antichambre, par exemple. Mon Dieu! Mais qu'est-ce que tu fais là? S'il vous plaît. Enfin, voyons, est-ce ta place dans l'antichambre? Ben, madame. Madame. Non, voyons, c'est que j'attends monsieur Chambise. Quoi? Hein? Qu'est-ce que tu veux? Eh, hey, madame, madame, entends. Oh, ben, je vous reconnais, vous, hein? Oh, hein? Mais... C'est vous qui étiez tantôt minégalant, hein? Oui, monsieur, oui. C'est vous le cocu, ah, hein? Monsieur! Et madame aussi, là, c'est la madame de l'hôtel avec qui conseil en passé, hein? Bonjour, madame. Ah, bordel! Non, qu'est-ce mon ami. Qu'il a? Et puis son gigolo. Oh. Eh ben, celle-là, par exemple, t'as vu. Alors, voyons, Victor Emmanuel. Victor Emmanuel. Non, poche. Non, poche, voilà. Et madame aussi, là, hein? C'est madame avec qui qu'on a détalé à cause du pont rouge, hein? Oh, madame, croyez-vous, zut a été venette, ah, hein? Oui, ah, oui. Mais alors, tout le monde demeure ensemble, hein? C'est rigolo, ça! Qu'est-ce que vous avez? Rien. Ils sont gentils, mais ils sont un peu loufoques dans la famille. Qu'est-ce qu'il a? Mais qu'est-ce qu'il a? Malheureux, je t'assure, c'est pas de montrer à un médecin. Madame ne veut pas que je téléphone à monsieur le docteur. Mais est-ce que vous voudrez? Oui, madame, oui. Vous parlez? Oui, monsieur. Ah, oui, n'oubliez pas de dire à monsieur Chambille. Tu l'entends? Oui, monsieur, oui. Pourquoi fait-il idiot comme ça? C'est pas possible que ce ne soit pas un coup manqué. C'est parce que moi j'avais accroché ma livrée au père. Allons, voilà, c'est. Si tu es malade, dis-le, on te soignera. Ah. Au contraire, si c'est une attitude que tu prends, je te déclare qu'elle est stupide. Ah. On t'a expliqué comment les choses se sont passées. On t'a prouvé par A plus B qu'il n'y avait jamais rien eu entre M. Tournel et moi. Madame Ominidès est là pour te confirmer la vérité. Absolument, enfin, ça doit te suffire. Maintenant, si tu persistes à croire que... Eh ben, fais comme tu voudras. Après tout, M. Tournel est là pour ta réponse. Ça va, mais... Absolument, si tu nous crois ou si tu ne nous crois pas, adopte-moi l'attitude que comporte la situation et cesse de te donner en spectacle en faisant l'idiot. Ouais. Mais c'est vrai, ça. Tantôt tu te rends à l'évidence, tu nous serres dans tes bras, tu nous embrasses. 10 minutes après, tu sautes à la gorge de monsieur Tournel. Ouais, oh, tiens, et je vous ai sauté à la gorge, ouais. Oh. Oui. Enfin, quoi, à quoi ça arrive, ça? Nous crois-tu, oui ou non? D'accord. Eh ben non, embrasse-nous une bonne fois et que ce soit fini. Oh, oh putain, du facile, là. Mais tu as bu! Hein? Oh, tu sens la bonne! Allez, santé, mon cher, santé! Oh. Eh bien, un vrai bidon! Tu bois, toi, ma fille! Je bois! Pas en blâme, pour prendre 7 malheureux de mystier, qu'on s'est distribué histoire de s'en remettre les sangs! Ben, vous en auriez fait autant! Oh, là, il est gris, il est complètement gris! C'est pas vrai du tout! Mais vous savez, allez, monsieur, éculez-vous comme colladeur! Toi, Victor Emmanuel! mal. Non, pas oh, je oh, pas oh, je oh, mal. Qu'est-ce que tu veux? Bah oui, je veux. Bah bien sûr que je veux. Mais si ça continue, je vais me foutre en colère. Oh, hein, c'est moi. Honteux, hey, madame. Étienne me dit que justement, elle était en train de me téléphoner. Bonjour, Chambiz. Où ça, Chambiz? Drôle. Il n'y a que monsieur est ivre mort. Ah non, non, lui. Quoi, monsieur? Oui. Ouais. Mais sentez-le plutôt, sentez-le. Oh. Mais voyons, c'est pas possible, vous êtes gris, vous. Ouais. Stop. Là, vous voyez. Monsieur. Ouais. Mon pauvre ami, qu'est-ce qu'on vous a fait avaler pour vous mettre dans un état pareil? Hein, vous aussi? Oh, mais dites-toi, mon bonhomme. Mon bonhomme? Vous avez fait une machine. Voyons, hein. Voyons. Moi, je suis pas plus ivre que vous, vous savez, hein. Non, mais oui, c'est oui, vrai, oui, oui, mais je vous connais pas, moi. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je suis ici pour voir monsieur Chambiz. Eh ben, je veux voir monsieur Chambiz. Et puis, voilà tout. Vous voyez? Il a des éclairs de lucidité et puis brrr, plus rien. C'est comme ça depuis cet après-midi. Ah, il est bien. Et puis quoi? Quand vous me regarderez, moi, je suis bon garçon, mais je me pense pas ma fiole. Mais oui, mon gars. Oui. Oh, mais... Hein? Ah, croyez-vous? Oui, hein. Oh. Oh. Rien. Est-ce qu'il lui est déjà arrivé à votre connaissance? Jamais, n'est-ce pas, Étienne? Jamais. C'est qu'à ces phénomènes d'hallucination, cet état d'amnésie poussé jusqu'à la perte de la notion de sa propre personnalité, je n'ai jamais constaté cela que chez les alcooliques invétérés. Non. Après, nous n'avons plus qu'un délirium très mince. Oh, ah, mais c'est insensé, il ne prend jamais qu'un petit verre après chaque repas. Et parfois, il en reste la moitié. Bah oui, quand même, c'est moi qui la bois pour pas la laisser perdre. C'est vraiment pas un petit verre par repas. Mais si, quelquefois ça suffit. L'alcoolisme n'est pas une question de quantité, c'est une question d'idiosyncrasie. Voilà. De quoi? D'idiosyncrasie. Mais oui, seulement ils ne savent pas. C'est-à-dire la disposition plus ou moins grande que tout individu a à devenir idiot. Oui. Hein? Mais non. Ah, bah, je croyais, moi. L'idiosyncrasie, c'est-à-dire la façon propre à chaque individu de ressentir l'effet d'une chose. Ainsi, un tel absorbe un litre de 3-6 par jour, ça lui fait rien. Un autre boit à peine un petit verre et il devient alcoolique. Tiens, une thune qui sont en train de me chiner. Et naturellement, c'est pour cela que c'est plus dangereux, parce qu'il ne se méfie pas. Un petit verre après chaque repas, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, jusqu'au jour où arrive la bonne crise. Et voilà, voilà le résultat. Ah, dites donc, le randonnion, ça vous amuse, hein? Quoi? Vous comprenez très bien, mais pour les SSS, ça finira mal, hein? Mais voyons. Bon, mais moi, je suis pas idiot, vous savez, hein? Tenez, l'irritabilité, c'est une des manifestations. Quoi? Oui, rien, mon ami. Tenez-nous la main. La main? Oui, comme ça, tenez. Ah, pour quoi faire? En combien de temps? Oh! Voilà, le voyez-vous, le tremblement alcoolique, c'est un des symptômes les plus caractéristiques. Oh! En voilà assez! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Vous voulez me fiche en colère, hein? Non, mon ami, calme-toi! Oh, puis vous, foutez-moi la paix, hein? Oh! Qu'est-ce qu'il a dit? Bien. Ne faites pas attention, c'est qu'à là, on n'a plus sa tête. Attends, il a pas. Il a beau être alcoolique, il veut dire fou, qu'est-ce qu'il veut dire? Bien, oui, madame, il est surexcité. Qu'est-ce que je voulais? Laissez-moi seul avec Étienne, on va essayer de. Oh oui, oh oui, docteur, couchez-le, parce que vraiment, nous ne pouvons plus. Madame! Mais vous savez, c'est ça, madame, je vous demande pardon. Attendez, j'ai connu un petit alcoolique comme ça, il avait 12 ans. Eh bien, voyons, mon bon ami. Ouais, vous avez vu un blaire de les faire partir parce que ça allait se gâter, hein? Mais j'ai bien vu, voyons. Non, mais tu sais que ces gens-là, mais je t'avais... Dites voir, ils sont pas un peu marteaux? Un peu marteaux. Ah, qu'est-ce que c'est, un peu marteau? Marteau. Mais alors, même, fallait me faire signe, pas. Fallait me glisser tout bas, ils sont louftingues. Si vous avez à me prendre la main, oui. Non, rien, c'est par amitié. Ah, parce que moi, je me serais pas emballé. Parce que si c'est avec les bras, il faut toujours dire comme eux. Oh, c'est curieux. Vous n'avez presque pas de poux. Quoi? Je dis, vous n'avez presque... Il n'a presque pas de poux. Ben évidemment que je suis pas pouilleux. C'est pas drôle. Alors, rien donc. Ah, bon, bon, bon. Ça le fait rire, hein, le larbin. Là, eh bien, maintenant qu'on a bien ri, on va être bien raisonnable. Quoi? Voilà, moi, je suis un ami. Vous me connaissez? Non. Ah? Bon. Eh bien, je suis le docteur. Le bon docteur. C'est moi qui soigne. Bobo, malade, tisane, jette, le bon docteur. Ben oui, quoi, je suis pas dans tête, le docteur. Voilà. Ben, qu'est-ce qu'il a à faire l'idiot, lui, alors? Eh bien, je sens en vous regardant que vous devez être fatigué. Je suis fatigué. Si, vous êtes fatigué, il est fatigué. Il est fatigué. Je suis fatigué. Mais si vous étiez à ma place, hein, j'ai 5 heures, balayer l'hôtel, monter le bois pied sur le parquet, et maintenant vous partez. Évidemment. Eh bien, savez-vous, vous allez vous déshabiller et vous coucher. Moi, Bon. Eh bien, alors, au moins, vous allez enlever cette jaquette dans laquelle vous êtes mal. Étienne va vous apporter une robe de chambre bien confortable. Ah oui, mais dis, Étienne va m'aimer. Non, mais c'est en attendant. Étienne. Oh oui, monsieur le docteur, oui. Maintenant, il y a par là un excellent. Mais qu'est-ce qu'il a à faire la pompe? Vous allez vous y étendre. Mais va me foutre un mal de mer. Allez faire une bonne tonne. Mais vous y pensez pas, monsieur Chambiz. Monsieur Chambiz, oh mon Dieu. bien s'il vous dit quelque chose, vous viendrez me le dire. Voilà la robe de chambre. Parfait. Allez, enlevez votre jaquette. Vous savez, hein, c'est pas pour dire, mais vous faites de moi ce que vous voulez. C'est alors. Une porte. Je sais pas si je vais la mettre par là ou par là. Ou par là. Ou par là. Ou par là. Là. Eh bien, dites voir que vous n'êtes pas bien là-dedans. C'est-à-dire que moi, j'ai l'air du cocher du Lormer. Hein. Ah, vous voyez. Puis c'est vrai que c'est drôlement plus douillet que la limoire. Mais parbleu, je comprends. Et maintenant, j'ai un petit doigt qui me dit que vous devez avoir soif. Mais votre petit doigt, ouais. N'est-ce pas? Eh bien, je vais vous faire donner quelque chose à boire. Ça ne vous semblera peut-être pas très bon, mais il faudra avaler tout de même. Oh, du raid. Hein? Oui, plutôt. Ouais, allez, monte, mais je crains pas. Ah, ouais, ouais. Dites-moi, vous avez la moniaque, hein? Oui, monsieur. Nous allons lui en préparer 10 gouttes dans un verre d'eau. Oui, monsieur. Et puis quand il sera dégrisé, vous lui ferez prendre un. Attendez, je vous fais une ordonnance. Oui, monsieur. Où y a-t-il de quoi écrire? Là, sur le petit meuble, monsieur. Mais d'abord, emmenez-le coucher. Oh, oui, monsieur le docteur, oui. Pour une aubaine, c'est une aubaine, hein. Allez, monsieur, si monsieur veut venir, tenez, prenez mon bras, monsieur. Oh, vous avez une bonne arme, hein. Oh, monsieur m'honore. Ça m'embête, tenez, vous soyez cocu. Moi? Mais c'est vous qui me l'avez dit, ça. Mais je ne le sais plus, monsieur, prenez la soupe chez le concierge. Non, bah, ben, si, prenez que ça, ouais. Non, monsieur. Christy, ça sent fort. C'est ce papier qui est parfumé comme ça? C'est à tomber. Ah, où, monsieur? Oh, où il y en a, mon Owen? Il en est arné, Lilo. De quoi, même parlez donc pas si vite. Il vous donne une E-A-E. Mais mettez dans votre palais, que diable. C'est pas la peine que je vous en ai apporté un. Les R-U-O-A-E. Hein? Et en anglais, il est envoyé promener en roulement dans la mâchoire. Hop là, une palais. Un anglais qui vous a donné un coup de poing dans la mâchoire? Oui, il y avait une ça. Et donc, j'ai vécu à Holmar aujourd'hui. Et où nous avons rencontré dans les nouvelles, et où on est, et Réon, et en mine, avec un grand émoi en haut. Hein? On prend l'émoi d'un bout d'un rang, et un âme à et dans Harry, qui est allé au milieu, je vous dis, il est où? Et Praléni, au lieu, il est Praléni, Madame, on va demander à monsieur le docteur comment va monsieur. Monsieur, mieux. Oh bon. Vous lui direz. Tiens, non, plutôt j'y vais moi-même. Et qui est avant? Bon, rien, sans bus, c'est un peu souffrant. Allons, viens. Ah, monsieur est touché. Parfait. Bonsoir, monsieur Camille. Il vient qu'on parle. Mais allez, tiens, allez préparer la moniale pendant que je vais chez madame. Et oui, monsieur le docteur, oui. Ah, on dieu. Je suis abruti. Honnêtement, je suis abruti. On me dit humain, on à un igloune. En vrai, à Rénon, il en voit. Et je vous demande pardon. Il t'a Emmanuel. Oh, bah là, monsieur, j'ai vu aujourd'hui à l'hôtel du Minet Galant. Abruti. Encore un, alors. Il m'a l'air connu. Mais dire, il y avait une réponse. Mais qu'est-ce qu'il y a dans la gueule? Oh. Mais crache, mon vieux, crache. Mais rien dans la gueule. On le disait, on l'avait dit avant, et que l'avait en France, on l'avait dit. Je m'en fiche, je repire à sa morière de pente ou ça. Seulement, mais je crève de soif par là. Mais en fait, tu comprends pas encore la barre de soif. Il y a. Il y a. Ah, qui ça? Ben, vous dites. Ben, docteur, moi. Et à l'oubli, et avant, il en est où de suite. Si je crève de soif, ben, moi j'ai une pépite. Alors, on va porter à boire. Et en renom, il ouvre. Moi, il craignait d'être accoulé et il a pris ça très bien. Tout le même côté, je lui croyais les IE et quoi? Il est là très large. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, Ea! Quoi? Ah, Ea! Je vais où? Ah! Oh, ça me dit pas la campagne! Non, mais qu'est-ce qu'il y a donc dans l'air aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a donc? Mais c'est total, quel cauchemar, mais qu'est-ce qu'il a rapporté? Enfin, c'est pas trop tôt que je quitte cette livrée. Quand je pense que j'ai été obligé de rentrer dans cette tenue. Ah là là, le concierge ne me reconnaissait pas, lui. Oh, pas pensé. Là, il voulait que je monte par l'escalier de service. Adieu, vous. Ah là là, pas encore fini, hein. Qu'est-ce qu'il y a, Camille? Ah, ça, je me le demande, Étienne. Oh! Monsieur me reconnaît! Comment ça, si je vous reconnais? Mais non, vous plaisantez, pourquoi ne vous reconnaîtrais-je pas? Je ne sais pas, monsieur, je ne sais pas. Eh bien alors. Criez-le. Et tournez avec vous. Alors, alors, pas. Qu'est-ce que vous faisiez quand je vous ai surpris tous les deux là-bas, dans cette boîte interlope? Oh, oh, la centième fois que je t'explique. Qu'on m'explique. Qu'on m'explique. Vous allez me payer ma tête comme ça longtemps, hein? Fichez-moi le camp. Fichez-moi le camp. Mais voyons, monsieur Chambier. Non, mais vous voulez ça, madame, je vous en prie. Stop. Fichez-moi le camp, je vous dis, moi, je ne veux plus vous voir. Allez, sortez. Sortez, j'étais en pleine crise. Vous reviendrez grâce à sa crise, sa crise, je commence à en avoir assez. Ma crise. Je vous en prie. Eh bien, mon bon Chambers, je vous demande pardon, mon cher Finas, pas, je me suis laissé aller à un mouvement de colère. Ah, ouais, non, c'est un exutoire, si ça doit vous faire du bien. Oh, mais ça va se calmer, oui, mon pote. Oui, il y a des gens mieux sensibles, d'ailleurs. Vous commencez à reconnaître les gens, à savoir qui vous êtes. Quoi? Ça va mieux, ça va mieux. Comment ça, à reconnaître les gens et à savoir qui je suis? Je ne veux pas dire ça. Parce que j'ai eu beau m'emporter, mais j'ai toute ma raison, vous savez. Ça va bien. Mais c'est égal, tout de même, à votre place, je serais resté couché. Ouais. Pas besoin, mieux vous de remettre votre jaquette. Ben vous êtes bon, vous, parce que j'en vais à la scène me promener en Rome. Groom! Vous croyez que c'est drôle ou de se balader en arbre, hein? Oui, mon cher, oui. Une livrée, à moi, une livrée. Voilà, il est fixe. Ça, j'en aurais vu de toutes les couleurs, dans votre hôtel du Minet Galant. Vous avez donc été? Bah tiens. Ne viens pas y aller. Eh bien, j'y étais, voilà tout. Que de péripéties, mon Dieu, pas. Une tripotée par-ci, une tripotée par-là. Le patron fou, on m'a reçu une livrée, enfermé dans une chambre, obligé de me sauver par les toits. J'ai failli me rompre le cou et brochant sur le tout, à mes lunettes. D'ailleurs, rendez-vous à ce moment-là, là, j'ai tout eu absolument tout. Tout, absolument tout. Mon Dieu, qu'il est malade. D'ailleurs, ça, je m'en souviens mal. La voilà. Ouais, qu'est-ce qu'il y a, Étienne? Il y a un monsieur, c'est monsieur le docteur qui m'a demandé. Oui, ah bon. Eh bien, monsieur le docteur doit être content. Ouais. Monsieur va mieux. Oh non. Non. Le délire. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes souffrant, docteur? Moi? Non. Allez, buvez ça. Hein, qui c'est à moi? Oui, il n'y a pas toutes ces émotions que vous avez eues, ça vous montre. Oui, oh, ça dépend non plus parce que ma colère de tout à l'heure m'a été. Mais j'ai bien vu. Seulement avaler d'un trait, c'est un peu fort. Oui, oh, pour. Oh. Non, mais ça fait bien, vu que c'est prévenu, l'avaler. Ah bon, j'ai fouillé. Mais qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie, mais dites-le, mais voilà des farces de mauvais goût. Voyons, Chambis. Mais foutez-moi la paix. Oh, cochon, va. Ben, où allez-vous? Comment ça, où je vais? Mais me rincer la bouche, donc je vous crois que c'est agréable. Non. Tiens. Il a tout craché, c'est comme si on n'avait rien fait. Monsieur Camille Chambis, il est victime. Oh non. Par exemple, entraînant. C'est pour votre assurance que vous venez déjà? Non, monsieur le docteur, je ne me serais pas permis, je passerai un de ces matins pour ça. Non, je viens pour rapporter un objet qui a été trouvé à mon hôtel et qui appartient à monsieur Camille Chambis. Oh, mais je le reconnais, c'est moi qui l'ai trouvé. Ah, monsieur? Étienne, valet de chambre de monsieur Chambis. Enchanté. Ah, ça, mais montrez-moi donc ça. Mais c'est le palais de Camille. Il perd son palais en ville. Eh bien, voilà de l'ordre. Mais comment avez-vous su que c'était à lui? Par le nom et l'adresse qui sont gravés sur la plaque. Non, mais si, Camille Chambis, 95 boulevard Malesherbes. Mais c'est très intelligent, ça. Et puis très commode quand on a oublié ses cartes de visite. Eh bien, je vais bien remettre ça, il va être bien content. Oui. Monsieur le docteur! Oh! Oh, je ne sais pas ce qu'a monsieur Camille, mais je viens le trouver dans la salle de bain, tout nu, en train de prendre une douche. Allons bien, qu'est-ce qu'il y a encore? Une douche à cette heure-ci. Ah, oui. Non, ça, c'est de la folie, alors. Mais voilà ce qu'il fait, votre monsieur Camille. Vous qui voulez le voir, il prend une douche, on n'a pas idée. Ben, où était cette salle de bain? Mais par ici, monsieur le docteur, qu'est-ce qu'ils ont tous ce soir? Prendre une douche à cette heure-ci, quelle drôle d'idée. Mais ma parole, mais je ne me trompe pas. Mais c'est bien un livret de poche. Et sa casquette, ben, elle est bien bonne, celui-là. Mais comment c'est-il ici? Mon garçon est donc venu chez vous? Votre garçon, oh non, monsieur, ah, c'est là, par exemple. Oh, quelle horreur, je suis, mon Dieu. Pas le fichier. Balade ma livrée en ville. Et voyons, arrête. Qu'est-ce que vous faites, monsieur? Mais je vais vous en ville, c'est mon pas, monsieur. Mais monsieur, mais arrêtez-vous, mais non, monsieur. Je vous mettre pas. Oh là là. Oh, j'ai eu une heureuse idée de claquer la porte d'entrée. Comme ça, il a cru que je fuyais par l'escalier. Il a dû s'élancer ma poursuite. Je vous en prie, laissez-moi vous annoncer. Oh non, oh, c'est fini, ça, hein? Ah, Louis! Ah, yes. Restez! Mon ami. Il est plus, Tami! Hein? Ah, vous les m'avez échappé, c'est tantôt! Non. Ils sont les seuls qui m'ont arrêté, conduit chez les commissionnaires et des polices. Ils vous auraient fait connaître de ce que c'est qu'un revolver. Mais les commissionnaires, ils m'ont confisqué mon revolver. Et ils m'ont fait que je promette, après qu'ils obtiennent les mains achetées, qu'ils ne me serviraient plus de revolver. Je promets! Ah, brave commissionnaire! Oui, hein? oui. Et alors, il y a apporté des pistolettes. Quoi? Oh, mais ne craignez rien! Je ne vais pas vous suicider! Je ne vais plus faire un moment de. dites en français, oui. De la flagrante delito. Oui, mais j'ai compris. Maintenant, cela serait un meurtre, je ne le peux pas. Ah, je disais aussi. Voici deux pistolets. Non. Une, il est chargée, l'autre, elle ne l'est pas. Eh bien, voyez-vous, moi, j'aime mieux le premier. Je prends de la craie. Je fais un rond sur votre cœur. Voyons. Je me fais le même. Il a été tailleur. Je prends les pistolets et les canons chacun dans les roues de l'autre. Pas, pas. Celui qui a la balle, eh bien, il est mort. Ah, et l'autre? Philippe, c'est la toile de chez nous. Oh, ben, vous savez... Allez, prenez une pistolette, je vous prie. Quoi? Prenez une pistolette, je vous dis. Non, merci, moi, vous savez, je ne prends jamais rien entre les repas. Ah, prenez, on vous fait le meurtre. Vous n'avez pas. Sans dépiche, sans dépiche. Là, la question, mais veux-tu? Au secours. Sans dépiche, veux-tu? Attends, au secours. Au secours. Moi, je suis couché là dans mon lit. Ça y est, la maison est hantée. Fais-tu la méchérable de toute la pistolette? Attends un peu. Sans de biche, les cours cette de suite. Tu m'entends? Qu'il y était tout, qu'il y était oxy, c'est... Sans de biche, tu m'entends? Mais tu oublies qu'il y était tout aussi. Bah, alors, il n'y a plus moyen de dormir, alors. Oh, les voilà! Vas-tu prendre les pistolets qu'il y a de temps? Pongui, v'là le pot rouge maintenant! Pongui! Tu m'attends à des bises, tu pires! Non, tire pas! Oh, les malheureux, il va se tuer! Non, il n'a rien! Je le tuerai! Oh, yes, moi! Mais qu'est-ce qu'ils boivent comme saleté dans cette maison? Mais qu'est-ce que ça sort ici? Les parfums! Les parfums de la lettre, les parfums de ma femme! Ah! Les papiers qui sont les mêmes! Et l'écriture de ma femme! Monsieur, je vous ai voulu très soirée au Palais Royal! Pero! Je l'ai trouvé de la lettre à Marido! Qui gueule de la pense? Eh si? Et par qui? Oh, je fais savoir, je saurai! Ouvrez! Bien quoi donc? Ah, elle me dit! Ah, c'est un petit d'un cow-boy! Cette lettre! Lâchez-moi! Cette lettre! Qui je l'ai trouvé dans mon papier? Hein? Vous fouillez dans mes papiers, vous maintenant? Mais il n'est pas la question, par qui? L'escriture de ma femme! Ah! Le don chevaux qu'elle confectionne les lettres de l'amour! Chez moi, oui! Ah! Et là-dessus, vous vous mettez la tête à l'envers! Alors que tout ça devrait être fait pour vous prouver la parfaite innocence de votre femme. Et comment? Comment? Mais parce qu'il est à supposer que s'il y avait la moindre intrigue entre votre femme et mon mari, ça ne serait vraiment pas dans ma patrie. On viendrait faire ces choses avec moi. Ok. Allez, voici votre femme, demandez-lui vous-même. Ah, madame, vous allez me dire. Mon mari! Non, je vous supplie, restez. Tout le monde, vous pouvez me tranquilliser. Cette lettre. Hein, comment? T'es retrouvée, par qui? Mais ce n'est pas mon secret. Va, Lucienne, donne-lui la clé de ce rébus pour le repos de ces ménages. Oh, si. Alors tu veux? Va. Soit. Oh, quel hôtel l'on vous fait. Alors vous n'avez pas compris? Non. Que tanto, Raimonda, trahi a tener motivo de dudar de la fidelità de su marido. Non, comment? Entonces, para approbarlo, decidió darle una cita galante, a la quale ella también insisterà. Ma per la carta! Espera, hombre! Si ella hubiese escrito la carta a su marido, este hubiera reconocido su escritura. Después? Entonces, ella me ha encargado de escribir en su lugar. No! Es verdad! Es verdad! Quoi? Es verdad lo que ella dice! Tout ce qui est le plus verdad! Oh, senora! Quando pensi che mi mettino tanta sidessa nella cabeza? Guardi, ma non sono maschio, un brutto! Sono un brutto, sì! Sono un brutto, sono un brutto! Ma sei scorso a voi ripetere! Oh, che rida mia! Perdonami, mi sei stupidez! Oh, te perdono, però non puoi che fare! Oh, che rida mia! Oh, io te quiero! Non lo so, da vita, in spagnolo! Maintenant que l'on sait que la dame del Palais Royal n'est pas ma femme. C'est la vôtre. Hein, toi? C'est la 40e fois que je le dis. Pas moi? Mais absolument, à chaque fois on s'embrasse, puis il n'y a rien de fait. Non, mais qu'est-ce qu'il dit? Mais si, même que je vous ai fait sauter par la fenêtre. Quoi? Mais si, même que j'en ai eu une émotion. Non, moi, vous m'avez fait sauter par la fenêtre. Mais naturellement, je vous ai fait. Vous sortiez de là, et hop, par la croisée. Ça y est. Mais aussi, nous sommes tous le jouet d'une même hallucination. Ce que vous avez vu sauter par la fenêtre et qui me ressemblait, c'est ce que j'ai vu moi dans mon lit. Ah, je l'ai vu. Moi, A. Mais absolument. Mais la preuve, c'est que je suis sûr de ne jamais avoir sauté par cette fenêtre. Qu'est-ce que vous dites? Je sens que ça me gagne. Je sens que ça me gagne. Je vous demande pas. Un rayon. Mais à l'instant, comme je passais dans la rue, j'ai failli recevoir sur la tête mon garçon d'hôtel qui sautait, je ne sais pourquoi, par cette fenêtre. Hein? Qui filait en emportant ce vêtement. Mais c'est à mon mari. Mais c'est à toi, cette terre. Où est-il? Victor Emmanuel. Oh, Paul. Ah, mais oui, mais c'est une idée fixe chez lui. Chaque fois qu'on se rencontre, il me flanque une roulée. Tiens, Paris, lui. Mais c'est pas possible, il est le portrait frappant de Foch, mon garçon d'hôtel. Foch? Oui, celui-là même qui sautait à l'instant par cette fenêtre. Oh, ben je comprends tout maintenant. L'homme que j'ai vu tout à l'heure et qui me ressemblait, c'était Poche. Poche! Et celui-là que nous avons vu à l'hôtel, un litre à la main. Celui que nous avons embrassé, c'était Poche. Celui qui voulait absolument m'entraîner chez le marchand de vin. Et il y en a un, voyez-moi, en haut. C'était Poche. Poche, toujours Poche. Ah, parbleu, ça, je regrette qu'il ait filé si vite. J'aurais aimé le voir de près, mon sosie. Mais il y a bien un moyen, monsieur n'a qu'à passer un de ses jours à mon hôtel du Minet-Galant. Ah, moi, à l'hôtel du Minet-Galant? Oh non, oh là là, ça il m'a assez vu, celui-là. Hein? Pas pour les beaux yeux de l'inconnu du Palais-Royal. Oh, je te conseille de te moquer de m'avoir tendu ce piège ridicule. Je te demande pardon, mais qu'est-ce que tu veux? Je doutais de ta fidélité. Ah, moi, mais Dieu bon, pourquoi? Mais parce que... Hein? Oh, tiens, parce que... Oh, pour si peu! Mais t'y accordes, ce si peu! Oh, ben! Qu'est-ce que tu veux, c'est bête, ça m'avait mis la puce à l'oreille! Sacrée puce, va! C'est bien, je la tuerai ce soir! Oh, j'essaierai! Eh bien, quoi? Écoutez le moment! Allez! Ah non! Demain! Radiodiffusion française vous a présenté par transmission différée partielle d'importants extraits du spectacle actuel du théâtre Montparnasse Gaston Batty à Paris. Direction Marguerite Chamois. Vous avez entendu La puce à l'oreille, comédie de Georges Feydeau, avec le concours de Marthe Mercadier, Raymond Chandbise, Pierre Mondy, Victor Emmanuel Chandbise et Poche, Camille Fournier, Lucienne Omidides, Jacques-Henri Duval, Romain Tournel, Louis de Funès, Augustin Ferraillon, Jean Le Poulain, Carlos Omenides, Lucien Hubert, Docteur Finache, Pascal Mazotti, Étienne, Suzanne Demars, Olympe Ferraillon, Albert Rémy, Camille Chandbise, Jackie Molo, Antoinette, Frédéric Valmain, Rugby, Arlette Gilbert, Eugénie et Paul Crochet, Baptistin. Mise en scène de Georges Vitali. Nous vous rappelons que M. Georges Vitali vous a présenté notre transmission. Montage radiophonique, Max Joly.